Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro, ouh, le micro est ouvert, à toi. Oh. Oh. Julie, c'est déjà ça que je connais, moi, prénom. Voilà. Eh bien, écoute, je suis effectivement Julie et je travaille dans une association qui s'appelle Échelle Inconnue, qui est basée à Rouen et qui existe depuis maintenant 98. Donc c'est une association, c'est un groupe composé d'architectes, d'artistes, de géographes, de hackers. Et on s'est réunis en 98 autour d'une préoccupation commune qui était de pouvoir interroger les formes invisibles, très souvent stigmatisées, de la ville contemporaine. Et donc, le grand programme d'Échelle Inconnue, c'est une phrase d'Armand Gatti qui dit « Il faut combattre avec la ville que l'on voudrait et qui ne figure pas au cadastre, celle qui y figure ». Autrement dit, la ville aujourd'hui, la seule représentation considérée comme valable de la ville en France en tout cas, c'est le cadastre. Et le cadastre, c'est un plan qui est inventé par Napoléon au milieu du 19e siècle pour lever l'impôt. Donc aujourd'hui, quand les architectes travaillent sur le cadastre, ils travaillent à fabriquer la ville de l'impôt. Et donc on s'est dit que c'était pas très normal, disons, qu'il n'y ait qu'une seule représentation de la ville, en plus là, une représentation fiscale. Et donc on travaille avec les gens exclus de ce cadastre, donc avec des sans-abri, des voyageurs, des camionneurs, des jeunes immigrés, etc., à fabriquer d'autres représentations de la ville. Et du coup, voilà, alors nos projets sont plutôt très longs. C'est des projets qui durent 6-7 ans et qui ont pour ambition d'aller effectivement poser des questions et de faire de la recherche avec les gens concernés. Et donc, c'est des projets qu'on pourrait appeler participatifs, même si le mot est un peu... comment on dit, un peu... À la mode et perdu de son sens, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un mot qui a perdu de son sens. Mais donc, on fait des projets qui sont participatifs, c'est-à-dire que si on ne les fait pas avec les gens concernés, on n'a pas de projet. Voilà. Et donc, on arrive dans des endroits, on raconte un peu ce qu'on fait, et puis on voit comment ça résonne. Et selon comment ça résonne, le projet prend différentes formes qui peuvent aller... Effectivement, on fabrique des affiches, on fabrique des films, on fabrique des enregistrements sonores, on fait parfois des expositions, on fait des journaux, on fait des bouquins, en fonction vraiment de chaque situation. Voilà. Et donc, actuellement, on est sur un projet qui s'appelle Makhnovchina, du nom d'une révolution ukrainienne anarchiste du début du XXe siècle, qui à la fois a fait ville mobile, puisqu'elle s'est déplacée pendant 2 ans, et qui a... Ah ouais, c'est... Parce que je me demandais, c'était quoi ce mot? Je crois que c'était une invention. Makhnovchina, en fait, c'est le nom de la révolution portée par Makhno. Et qui du coup s'est déplacé pendant 2 ans, a traversé plutôt les territoires ruraux d'ailleurs, a fabriqué ville, a fait ville d'une certaine manière, et puis a fabriqué les rassemblements permettant de lutter contre différents pouvoirs. Et donc aujourd'hui, nous, on reprend ce projet-là, ce nom-là, pour faire une recherche sur les nouveaux nomadismes, en essayant aussi d'être un peu des facteurs, c'est-à-dire en rencontrant des camionneurs, en essayant de filmer, etc., de raconter une histoire avec eux, et puis en allant voir les voyageurs, en diffusant les films qu'on a fait avec les camionneurs, etc., et en essayant de participer à ce transfert de savoir-faire qui permettrait à tous de se considérer comme frères, parce que souvent la question de l'habitat léger mobile est très catégorielle, c'est-à-dire qu'il y a les Roms d'un côté, les voyageurs de l'autre, les camionneurs... les teufeurs, etc. Et nous, on essaye de le faire de manière extrêmement transversale en imaginant qu'on est une vraie... Enfin, voilà, on est une communauté de frères. Et le jour où on se reconnaîtra comme tel, on sera d'ailleurs plus fort pour les combats, pour faire changer les lois, etc. Et puis, il y a quelque chose d'historique dans cette mobilité. Même si, effectivement, pour certains, comme les ouvriers en déplacement, c'est pas quelque chose qui est forcément... D'ailleurs, on enlève la question du choisi ou du souhaité, parce que le contexte, on ne le choisit jamais. On est plus enclin à choisir, voilà, donc même dans un contexte... T'allais dire le mot choisir. Quand on est plus enclin à... Ouais, on est plus enclin, dans toutes les situations, on choisit en fait, voilà, c'est ça, quels que soient les contextes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le contexte c'est on va dormir à la rue, c'est choisir déjà que de fabriquer une cabane. Voilà. Donc on n'a pas envie d'habiter en cabane tout de suite, évidemment. On ne se dit pas, tiens, dans ma vie, je vais habiter dans un bidonville. Mais par contre, quand c'est la seule solution, bah, on fabrique une cabane. Donc c'est une forme de choix. En tout cas, on enlève cette question-là, parce que évidemment que c'est pas... Personne n'a envie d'habiter en bidonville. Mais c'est une solution qui est trouvée et il faut que cette solution puisse être viable si on n'a pas les moyens, enfin si on a, l'État ne doit pas pouvoir expulser n'importe qui habitant dans un habitat léger et mobile à partir du moment où il n'a pas une autre solution à proposer. Voilà. Donc c'est le travail qu'on fait et donc on traverse la Normandie particulièrement. Donc on a traversé Rouen, on a traversé Le Havre, Dieppe et puis là on est vraiment sur le long des berges de la Seine. Quand tu dis que vous allez traverser, qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai pas suivi là. Alors on traverse, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté, donc on est basé à Rouen, donc on a fait un travail à Rouen sur les berges de Seine. Et les berges de Seine à Rouen ont une particularité, c'est qu'elles sont, elles ont été jusqu'à l'année dernière, ce que Arnaud Le Marchand appelle une enclave nomade, c'est-à-dire un endroit où se sont croisés différents types de mobilité, avec des raisons très diverses, et comme ce territoire-là, jusqu'à l'année dernière, il ne savait pas trop à qui il appartenait. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui appartient à la ville, une partie qui appartient à l'État, une partie qui appartient à la communauté d'agglomération, une partie qui appartient aux voies nationales aux voies navigables de France. Si bien que ce conflit institutionnel du sol a permis à pas mal de gens de pouvoir habiter à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est le conflit institutionnel qui permet la vie, finalement. Et donc, des teufeurs qui habitaient là-bas, et puis qui avaient pour voisins des ouvriers en déplacement, des forains, puisque la grande foire de Rouen a lieu sur les quais aussi, des retraités en camping-car, finalement il y a une forme de maison de retraite qui se déplaçait le long des berges de la Seine. Et voilà, et donc tout ce petit monde cohabitait ensemble, avec pas les mêmes... l'État n'avait pas... la ville n'a pas les mêmes... ne les gère pas de la même façon. C'est-à-dire que d'un côté, la ville n'a pas envie de voir cette mobilité, et d'un autre, elle en a besoin, parce que les teufeurs, ils travaillent dans les restos de la ville. Les ouvriers en déplacement, ils sont invités à finalement habiter en caravane, parce que ça permet de surveiller l'usine dans laquelle ils travaillent, pour éviter les vols, etc. Donc on paye moins les gardiens, et on oblige les gens un peu à rester en caravane à côté. Les forains, on en a besoin aussi. Mais voilà, d'un autre côté, on veut qu'il n'y ait absolument personne sur ce site. Donc voilà, l'État ne sait pas forcément comment, la ville ne sait pas forcément comment... elle refuse effectivement l'habitat léger mobile, mais d'un autre côté, elle en a besoin, quoi. Ensuite, on a traversé la ville de Dieppe. Alors Dieppe, c'est assez intéressant parce que c'est une ville dont la mobilité est totalement historique. C'est-à-dire que depuis le milieu du 19e siècle et la fabrication d'un chenal qui a détruit un quartier entier, mettant les gens à la rue, ces gens ont trouvé des solutions d'habiter dans les falaises pendant un siècle quasiment. Et puis il y a eu la guerre. Dieppe a accueilli un camp de transit pour que les soldats canadiens, américains, etc. puissent repartir après la guerre. Donc ce camp de transit étant construit, les pauvres de la ville vont emménager dans ce camp de transit pendant quasiment 40 ans ou 50 ans. Et puis il va falloir construire Auchan, un grand centre commercial, donc on va à nouveau les déplacer. Et donc comme ça, petit à petit, on se rend compte que le chantier urbain, c'est une espèce de guerre urbaine qui déplace les gens et donc qui fabrique cette historicité à la ville de la mobilité de la ville de Dieppe. Donc on essaie de suivre cette mobilité-là à travers les habitants, les anciens habitants des Gobes, donc les gens qui habitaient dans les falaises, puis les voyageurs, et puis les gens qui ont bénéficié de terrains familiaux, etc. Et puis on a traversé la ville du Havre, donc là où on est en ce moment, et on a la rencontre de Roms habitant dans un bidonville, et on a essayé aussi d'outiller des situations. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse au moins un bras de fer symbolique avec l'État et d'outiller, de faire face à la mobilité forcée par l'État avec une mobilité encore plus grande. Et donc on a fabriqué des toilettes mobiles. Ça permettait aussi de répondre à un besoin de la part des gens habitant sur ce bidonville. Et puis de régler aussi un des prétextes à l'expulsion qui est la salubrité. C'est-à-dire qu'on a essayé d'énumérer ce qui pouvait faire être dans un arrêté d'expulsion et d'essayer de gérer ces situations-là. Donc on a fabriqué des toilettes mobiles, le terrain s'est fait expulser. On rappelle jamais assez, alors je le dis tout le temps, hein, mais un terrain, une expulsion, cette expulsion-là en l'occurrence, elle a coûté à minima 130 000 euros de CRS, de frais de justice, ensuite une fois que le terrain a été... Quand tu dis... De CRS, pas deux. J'ai compris, moi, deux CRS. Je me dis, il faut que deux CRS pour virer. Non, il y avait une vingtaine de CRS, il y avait des pelleteuses, il y avait des bulldozers. Alors, je n'ai pas les chiffres complètement en tête, mais louer une pelleteuse pendant louer plusieurs bulldozers pendant plusieurs jours, ça coûtait 3 500 €. Poser des pierres pour éviter que le terrain soit à nouveau squatté, ça coûtait 7 000 €. Les CRS, ça a un prix aussi à la journée, etc., etc. Et donc, on arrive à 130 000 € d'expulsion. Alors que nous, on dit, voilà, avec quelques euros, on peut rendre salubre un terrain, permettre aux gens de se stabiliser un tout petit peu, de manière à ce qu'ils puissent scolariser les enfants, trouver du travail, et ensuite quitter d'eux-mêmes le bidonville. Et donc le bidonville est un espace de transition. Il n'est évidemment pas un espace où on ne souhaite pas que les gens habitent en bidonville, mais quand c'est la seule solution qui permet de se construire et d'aller vers l'avenir, il faut pouvoir le permettre au moins un temps, de manière à ce que les gens puissent quitter de même le bidonville, ce qui s'est passé en France depuis très longtemps, historiquement. Hein. C'est-à-dire que les Portugais, quand ils sont arrivés, ils habitaient dans des bidonvilles, les Harkis aussi, malheureusement, etc. Et tout le monde, ces bidonvilles, se sont résorbés, tout seuls, puisque les gens ont accédé finalement à des logements, à un parcours d'insertion, et ont trouvé du travail, et puis petit à petit, les choses se sont faites. Voilà. Et puis du coup, le dernier repérage qu'on fait, c'est donc le long des berges de la Seine, où là, on essaye de faire une sorte de repérage de l'ensemble des situations de la mobilité. Donc on rencontre à la fois des gens qui habitent en camping à l'année, on rencontre des ouvriers en déplacement, puisque le travail, notamment dans le nucléaire et notamment dans le bâtiment, a évolué ces 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on a rencontré notamment quatre ouvriers dans un camping proche de Vernon, qui nous racontaient qu'il y a 10 ans, ils se déplaçaient à maximum 30 km de chez eux. Aujourd'hui, ils se déplacent jusqu'à 350 km de chez eux. Donc avec tout ce que ça comporte de nécessité de se loger en hôtel, Formule 1 ou en camping. Et voilà. On rencontre aussi des voyageurs qui ont des terrains. Voilà, je crois que j'ai plus tout en tête, mais en tout cas, échelle inconnue. D'abord, ça vient d'où ce nom ? C'est qui l'a trouvé, ce échelle inconnue ? Alors, échelle inconnue, c'est son fondateur, donc Stanley Cambott, qui a trouvé ce nom-là. En 95, dans les écoles d'architecture, une réforme est passée et donc nous avions l'obligation, en tant que diplômés d'architecture, de faire un diplôme sur lequel il fallait faire des plans qui étaient cotés et à l'échelle. C'est-à-dire qu'il fallait faire des plans au centième, au 200e, etc. Et Stanley Cambott a décidé de jouer avec cette échelle-là en faisant donc des plans à une échelle inconnue. Voilà. Ouais. D'où le nom. Et donc c'est un gars que tu viens de nommer qui a créé une échelle inconnue. Vous êtes combien dans cette échelle inconnue ? Alors, au démarrage, alors ça, il y a eu plein de changements. Aujourd'hui, on est un groupe polymorphe et très mouvant. Donc, on est entre 3 et 5 à plein temps, disons, selon les moments, etc. Et ensuite, le groupe Échelle Inconnue grossit en fonction des projets, puisqu'on rencontre ici et là un camionneur qui nous dit « Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire ça avec vous, je vais aller chercher de l'info. » Donc, voilà, ces gens rentrent de manière très informelle dans le groupe Échelle Inconnue et donc qui peut être... il peut atteindre 20, 30 personnes selon les projets et les situations. Et donc, si je comprends bien un peu le sens de Échelle Inconnue, c'est quand même défendre... c'est en tout cas parler des gens qui sont à côté. Alors, c'est défendre... oui, en tout cas, c'est apporter de la connaissance sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à un moment donné, on est tous libres de nos actes. Échelle Inconnue a l'ambition d'apporter de la connaissance. C'est-à-dire dire à un moment donné, voilà, il y a d'autres habitats, il y a d'autres situations de vie et il y a surtout d'autres représentations de la ville. Et il ne faut pas oublier que c'est le conflit qui permet pas mal de choses. Donc on est aussi dans cette idée que, voilà, par exemple, à Rouen, le conflit institutionnel a permis de la vie. Et puis le conflit qu'on peut générer, comme la Makhnovtchina, comme Smala, qui est une ville disparue au milieu du 19e siècle en Algérie, sont des situations qui, dans le conflit, ont fabriqué des choses qui sont très intéressantes, en fait. Parce qu'en 2014, là, avec les ça fait penser aussi aux gens du voyage, donc les gitans, les roms, enfin, tout ça aussi, c'est mal vu, c'est très mal vu. Donc je me demande comment vous arrivez à vivre d'abord de ces représentations-là que vous nous mettez un peu à la vue là. Ça va, je suis claire. comment ça marche quoi, parce que c'est ce que je tiens aussi à dire, c'est que vos petits films sont enfin super bien faits. C'est vraiment une chouette manière, je trouve, de parler aux gens, de montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, même dans la manière de filmer. Je pensais aux sous-titres. Bêtement, des fois, on met des sous-titres en dessous pour traduire, et là, vous les mettez un peu dans l'image avec du mouvement. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une réelle recherche-invention comme ça. Mais donc, j'en reviens à cette idée. Ça doit pas être évident comme. Comment ça marche? Comment ça se fait que. Enfin, vous avez du boulot là-dedans? Vous êtes entendu? C'est quoi la. Après, on fonctionne un peu comme une compagnie de théâtre. Mes camarades n'aimeraient pas que je dise ça, mais en fait, on écrit des projets et ensuite on va chercher des subventions pour ça. Donc on écrit, voilà, c'est comme ça que ça se passe et on a des subventions. Alors sur le projet Macnoftina, c'est un peu compliqué parce que comme on s'adresse à un public, comme disent les institutions, on s'adresse à un public de mobile. Il y a même une technicienne de la ville un jour qui nous a dit mais les élus ne financeront pas puisque ce sont que des gens qui ne votent pas. Nos subventions, et puis c'est la tendance générale quand même en France, les subventions de fonctionnement descendent de manière drastique. Et donc, effectivement, on a de moins en moins d'argent pour ce genre de projet, mais on y tient. Ça, c'est quelque chose qui nous constitue tous à l'échelle inconnue, parce qu'on a des histoires aussi. On se définit de moins en moins par nos métiers. D'ailleurs, on dit de plus en plus qu'on est adisciplinaire. Mais on se définit de plus en plus comme étant des fils de juifs algériens, des fils de manouches, des fils d'ouvriers, des fils d'eux, et c'est ça qui constitue le groupe, et donc ça nous constitue tellement que c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse faire autre chose, quoi. Voilà. Mais on arrive à gagner un peu des sous des fois. Et comment vous êtes entendu? Comment vous êtes visible? Est-ce que ça, enfin, tu vois, après vous créez un projet pour avoir des sous pour faire votre projet, et après comment c'est entendu dans l'espace public? Comment Alors on a pas mal de formes qui rendent visible, c'est-à-dire qu'on fait des journaux une fois par an. On fait pas mal d'expositions dans l'espace public aussi. On travaille beaucoup dans l'échelle inconnue, je ne l'ai pas dit, mais il y a des hackers, donc des créateurs numériques. Et donc, on invente des petits dispositifs numériques qui nous permettent de pouvoir re-raconter une histoire de la ville. Et notamment, je pense à ce qu'on avait fait à Pau, dans un projet qui s'appelait Smala. La ville de Pau refuse de... Quand on va voir le maire de Pau, d'ailleurs, la mairesse de Pau, elle nous dit il n'y a pas d'Algériens à Pau. Et quand on se traverse la ville de Pau, en fait, tout est ultra-algérianisé. Voilà. Il y a des statues du général Bosquet, par exemple, qui a combattu les Algériens en Algérie pendant la colonisation, etc. Et donc, il y a la prison des femmes de la LN. Et donc, on se dit, c'est dingue, il y a plein d'Algériens, ça constitue pas la mère, elle les voit pas, ça constitue pas une source de clientélisme potentiel politique. Et donc, on décide, notamment sous la statue du général Bosquet, où il y a écrit « pacificateur de la Kabylie », on décide de placer des QR codes, donc c'est des codes barres en deux dimensions qui permettent d'avoir plus d'informations, retraçant la vraie histoire de ce général-là qui, en fait, pour pacifier la Kabylie, a gazé les Kabyles. Donc, il enfermait les Kabyles dans les grottes, il mettait le feu devant, et ceux qui sortaient, c'était une économie de munitions, quoi. Ceux qui sortaient, on leur mettait une balle, et puis les autres mouraient tous asphyxiés. Donc voilà, donc ça permet, de grâce à ces QR codes, de donner une autre histoire au-dessous de la petite plaque qui dit que c'est un grand général français. Voilà. Donc, on utilise comme ça des outils qui permettent de donner d'autres calques, de légender la ville d'une certaine manière, avec une histoire qui est plus celle des exclus ou celle des la même, enfin on a tous les mêmes bourreaux en fait, que ce soit les Algériens ou les Français, hein, donc ça permet de raconter l'histoire de nos bourreaux, ouais. Voilà. Et toi Julie, tu es fille d'Algérienne, et franchement t'as une tête bien typée quand même. Tu es bien typée, je sais pas, mais moi enfin je veux dire t'as une tête typée quoi. Bien typé, si. Bah, on te l'a déjà dit, non? Alors c'est marrant parce que c'est souvent les Algériens qui me le disent, mais les Français jamais trop. Mais ça me fait très plaisir. Il y a pas de, enfin j'ai aucune. Justement, j'assume très facilement ces origines-là, puis ça me constitue. C'est aussi pour ça que c'est comme ça que j'ai croisé Échelle Inconnue, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'inconnu il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, je ne sais plus, sur un projet qui s'appelle Smala, donc de cette ville algérienne disparue, qu'on ne croise jamais dans les écoles d'architecture. Parce que moi, j'ai fait une école d'architecture et on nous parle bien des grands architectes qu'on construit en dur, Le Corbusier, etc., la modernité. Et on ne traverse jamais cette ville Smala, qui est une ville mobile qui a vraiment existé entre 1849 et 1851, si je ne dis pas de bêtises. Non, 1839-1841, pardon. Qui a vraiment existé, qui est une ville mobile, qui est une ville qui, quand l'émir Abdelkader qui la conçoit, la dessine dans le sable plan de cette ville, il la dessine en se posant la question, est-ce que le pouvoir politique doit encore s'inscrire dans la pierre ? Il y répond par la négative, ce que la modernité, 150 ans plus tard, fera aussi d'ailleurs. Et donc je croise Échelle Inconnue sur cette histoire-là, qui me passionne et qui est un peu la mienne d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est comme ça que j'entre dans Échelle Inconnue. Donc c'est effectivement mon rapport à l'Algérie et au judaïsme qui me fait intégrer Échelle Inconnue. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est pas du tout négatif. Hein. Quand je dis que t'es typé, ça veut dire, allez, t'as une chouette gueule, t'es bien typé, quoi. Mais non, mais moi, j'aime bien, voilà. Et je me posais la question, bah tiens, un peu ton parcours comme ça, d'arriver en faire des études d'architecte. Qu'est-ce que t'avais dans la tête avant d'y aller, puis pendant, puis après, c'était quoi l'idée de départ, parce que architecte. Alors moi j'ai eu envie d'être architecte hyper jeune, alors j'ai un peu du mal à savoir pourquoi, je dois bien dire, parce que j'étais trop jeune, c'est-à-dire que même en primaire je mettais sur les papiers que je voulais être architecte, donc assez simplement j'ai fait des études d'architecture, et pendant mes études j'ai bien rigolé, parce que c'est des bonnes études, c'est long et tout ça, on peut bien se marrer, donc c'est cool. Et puis en sortant, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans une agence, et puis là je me suis dit que c'était quand même un peu compliqué, parce que notamment je travaillais dans une agence qui m'avait fait dessiner des plans de logement, qui était invivable en fait. Et donc j'étais allée voir mon patron en lui disant alors voilà, Claude, voilà, je voudrais que tu m'expliques quel appartement tu choisis toi. Et mon patron m'avait dit j'en choisis aucun, mais c'est un bâtiment qui n'est pas fait pour les architectes, on s'en fout. Donc j'avais un peu halluciné, puis j'ai dit écoute, je te pose ma démission, parce que c'est pas possible. Et donc voilà, et puis j'ai un peu erré pendant quelques mois à savoir comment j'avais envie de traiter cette question de l'habiter, parce que c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse, depuis toujours d'ailleurs. Et puis j'ai croisé Échelle Inconnue, qui m'a un peu sauvé la vie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai trouvé là ce que je ne trouvais pas du tout en agence, parce qu'en fait, à l'architecte, c'est quand même un métier de pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille pour des gens qui ont de l'argent. Voilà, c'est un métier qui est intimement lié au pouvoir. Et donc j'ai essayé de me dire comment ce métier-là peut sortir de cette question-là. Et je trouve qu'Échelle Inconnue y répond plutôt bien, parce qu'il se pose des questions, parce que c'est de la recherche, de la vraie recherche au sens de chercher, quoi. Voilà, et puis de s'intéresser à tous ceux qui n'ont pas la voix à l'architecture. C'est-à-dire, effectivement, on ne construit jamais pour un mec qui n'a pas de thunes, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là dans Échelle et que je m'y retrouve parfaitement, quoi. Et toi, tu es née, Julie, à Rouen ? Non, moi je suis née à Lyon. D'ailleurs, j'habite à Lyon, donc c'est un peu, je suis aussi un peu nomade parce que je vis dans les trains. Hein, donc l'association est basée à Rouen. J'ai rencontré l'association au moment où elle était sur un boulot à Lyon, donc chez moi. Et puis ensuite, on a travaillé 2 ans à Marseille. Donc le fait que j'habite Lyon ou Rouen n'était pas extrêmement problématique. Et puis aujourd'hui, le projet Macnofchina se déplace, enfin, est vraiment en Normandie, donc je fais les trajets très régulièrement entre la région Rhône-Alpes et la région Normande. Donc t'es un peu une nomade aussi, quoi, c'est ce que tu disais au début. Mais ici, à Lem, donc c'est 3 jours de... Comment on pourrait dire ça de rencontres sur les habitats légers, mobiles, nomades. Dans votre Échelle Inconnue, vous avez mis en place un petit espace comme ça pour parler avec un pote à vous en Ukraine. En Russie. C'est Échelle Inconnue ? Alors, c'est Échelle Inconnue. Échelle Inconnue se développe aussi à l'international. Puisque quand on... Pour faire un peu court, parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on est en Russie, mais on a rencontré des cirques qui s'installent donc, sur les quais de Seine à Rouen. Et puis en parlant avec eux, on s'est rendu compte que beaucoup d'employés de cirque sont moldaves. Donc on s'est dit, tiens, voilà, alors on est parti un peu en Moldavie, et puis on se rend compte que... on se rend compte comme ça qu'il y a une... Il y a des exils de travail partout. Voilà. Et quand on remonte sur ces déplacements de travailleurs, on arrive jusqu'à la Russie. Et donc, effectivement, on s'installe en Russie pour essayer de comprendre comment ça se passe. Et on se rend compte que la question de l'habitat léger et mobile, par exemple, et notamment des travailleurs obligés de se déplacer, est très présente en Russie. Elle est très présente en Russie parce qu'il a fallu reconstruire l'économie à la chute du communisme, d'une certaine manière. Et donc, c'est les mobiles qui vont être les pionniers de cette économie-là. Et donc aujourd'hui, la ville de Moscou cherche à les éradiquer, Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la manière dont ça se passe en Russie, puisqu'il y a 10 ans d'avance quelque part sur la France, et qu'il y a toute cette économie informelle qui est extrêmement présente en Russie, que ça soit sur les kiosques, que ça soit sur les vendeurs, surtout les vieilles femmes qui vendent dans la rue, etc. Et donc effectivement, Stani, donc le fondateur de l'échelle inconnue, est en Russie actuellement. Et donc pendant les rencontres d'Alem, voilà, l'idée c'était de montrer cette présence aussi de l'économie informelle, c'est-à-dire pas rester que sur la question de l'habitat, mais aussi sur cette question d'économie. Et donc Stan depuis Moscou a fait un petit film qui permettait à nous ici de pouvoir nous expliquer comment ça se passe en Russie. Et donc on a fait un Skype grâce à la technologie moderne pour qu'il puisse nous commenter son film. Mais depuis l'origine de l'origine, les gens bougent. Et ce serait quoi cette idée que les gens ils bougent plus? Pourquoi il y a la peur, le contrôle, c'est quoi ta réflexion par rapport à tout ça? Ma réflexion c'est surtout celle de Clément, parce que c'est Clément David, donc le je sais pas comment on dit, le c'est pas le fondateur d'Alem d'ailleurs, mais l'animateur d'Alem, disons le coordinateur d'Alem, dit un truc assez marrant. Il dit voilà, l'État, pour que ça existe, il faut 3 choses fondamentales, des frontières, un pouvoir et un peuple fixe. Donc dans la constitution même du mot État, il y a la nécessité de se sédentariser. Donc, effectivement, ça porte à réflexion. Se dire, ah ben oui, effectivement, la mobilité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté par l'État. Mais en fait, c'est pas tout à fait juste, parce que depuis la révolution industrielle, au départ, c'était plutôt les cadres d'ailleurs qui se déplaçaient, les ingénieurs, etc. Et puis avec le temps, ce ne sont plus les ingénieurs qui se déplacent, ce sont les ouvriers qui se déplacent énormément. On croise dans des campings un nombre d'ouvriers qui logent, alors pas forcément à l'année effectivement, mais qui logent très longtemps, qui se déplacent, énormément d'ouvriers qui habitent en camion, qui se déplacent aussi sur la France entière pour trouver du travail. Et puis par exemple le nucléaire qui a besoin sur des arrêts de tranches de gens, et donc les ouvriers du nucléaire se déplacent énormément en France. Les ouvriers de la SNCF aussi se déplacent énormément, parce qu'à l'époque, la SNCF avait des cantonniers qui nettoyaient les voies ferrées dans chaque région, et puis c'est un métier qui a disparu, et donc ils embauchent des Turcs qui vivent en caravane et qui nettoient les voies ferrées de la SNCF. Donc d'un côté, on ne veut pas reconnaître cet habitat-là, on ne veut pas voir cette mobilité-là, et d'un autre côté, c'est une vraie économie capitaliste aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement dans les stations de ski, à la mer, etc., sont saisonniers, c'est des lieux qui ne fonctionnent pas. Les saisonniers, ce sont quand même des gens qui habitent en camion, qui sont dans une situation ultra précaire et à qui on refuse de donner des droits, en fait. Donc d'un côté, effectivement, c'est un peu la dualité et la schizophrénie de l'État, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on refuse de les voir, de leur donner des droits, d'ouvrir des champs de réflexion, et d'un autre côté, on en a ultra besoin. Et puis c'est aussi les mobiles. On a rencontré récemment un voyageur qui nous disait « Mais c'est grâce à nous qu'en France, on connaît les harnais de chevaux, qu'on connaît le cinéma, c'est grâce à nous qu'on a certains tissus, etc. » Parce que nous, les voyageurs, on se déplaçait tellement qu'en fait, on ramenait de nos voyages des choses qui finalement, c'est grâce à nous que plein de choses se sont diffusées. Donc c'est effectivement la mobilité qui permet aussi ce transfert de matériaux, de connaissances, etc., etc. Bah oui, ça me fait penser, moi, c'est vraiment depuis la nuit des temps que tout circule, que tout bouge, même les épices, enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est, oui, c'est comme tu dis, c'est, d'un côté, les humains qui bougent, on veut pas vraiment, enfin, c'est bizarre, quoi, tu te demandes, c'est quoi le futur par rapport à tout ça, est-ce que ça va évoluer ou pas? Ouais. Non, mais effectivement, c'est tout à fait ça. Tu crois que ça va évoluer? Dans un bon sens? Je sais pas. Alors après, moi, je crois que si justement on arrive à se reconnaître comme une communauté de frères en tant que mobile, quelle que soit la mobilité d'ailleurs, Frères et sœurs, ouais, t'as raison. En tant que frères et sœurs, dans cette mobilité-là, on peut être plus fort, et en étant plus fort, on peut avoir plus de choses. Donc après, la manière dont ça va évoluer, forcément ça évoluera, il n'y a pas, d'autre solution. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de communes, comme la commune sur laquelle on se trouve aujourd'hui, donc Harfleur, qui est à côté du Havre, qui quand même se disent il faut des terrains familiaux, il faut un certain nombre de trucs qui permettent aux gens de pouvoir vivre un peu décemment. Mais par exemple, on s'est rendu compte hier en rencontrant les... D'ailleurs, il y a les flics qui sont probablement en train de les emmerder un peu là, maintenant, tout de suite. Donc, aux ces rencontres d'Alem, il y a des jeunes en camion qui sont venus pour participer aux rencontres. Et notamment Julien qui a quelques problèmes avec les services municipaux puisqu'il n'arrive pas à garer son camion, etc. Donc, on voit bien que les élus ont compris que les voyageurs, etc., il fallait les prendre en compte, mais n'ont pas encore saisi cette nécessité de décatégoriser. C'est-à-dire, c'est pas les voyageurs, c'est les mobiles. Et donc, Julien, par exemple, qui est dans la même commune, a plus de problèmes que les voyageurs qui, eux, vont se retrouver avec un terrain familial. Donc, ça va évoluer, ça, forcément. Enfin, j'espère, mais ça va évoluer forcément. Après, ça va prendre combien de temps, c'est une autre histoire, je pense. C'est pas simple parce qu'on a 3 jours de rencontre là, donc on est hyper actif au niveau. Nos cerveaux ils fusent là depuis 3 jours. Donc il y a un peu de fatigue aussi, mais qui du coup je sais pas trop là quoi raconter d'autre. Mais par exemple, avant de terminer, Échelle Inconnue, comment je suppose qu'on peut taper sur le net Échelle Inconnue et on a toutes les données? Alors oui, il y a un site internet www.échelleinconnue.net. qui donne accès à énormément au blog McNovchina, au blog Smala. Et c'est un site qui n'est pas un site de communication, c'est un site d'archivage. Donc il faut y rester 3 heures avant de trouver quelque chose, mais on trouve tout notre travail est sur Internet. Les films, les journaux, tout est en accès libre, tout est copiable, tout est récupérable. Voilà, on n'a aucune. On n'a pas de. Voilà, on veut que ça se diffuse, quoi. Donc on n'a pas de. Comment il pourrait. Les hackers disaient on est en licence Commons, je crois que c'était ça. Creative Commons, donc voilà, notre site il est en Creative Commons, même s'il n'y a pas la licence, mais donc tout est récupérable et effectivement tout est visionnable. Et j'essaye de réfléchir au mot de la fin, mais j'ai un peu du mal à voilà. Mais je crois que si, non, mais il faut arriver à se. C'est vrai que la notion d'habiter elle est hyper importante. Par exemple, effectivement, dans le droit français, on a la notion de logement, on a la notion d'hébergement, mais on n'a absolument pas la notion d'habiter ou d'habitat. Et ce qui est une grande différence, que logement, par logement, on entend les 4 murs qui permettent de dormir. En fait, l'habitat, c'est bien plus large que ça. C'est-à-dire que quand on veut reloger les pauvres à la campagne, il ne faut pas oublier qu'à la campagne, il y a moins de travail, il n'y a pas forcément les réseaux de courses. Enfin, je veux dire, quand on fait des terrains familiaux à 8 km du premier centre commercial, c'est pas simple, quoi. Voilà. Et donc l'habitat, c'est aussi comment on prend en compte la nécessité des réseaux. Des réseaux internet, des réseaux sociaux, des réseaux de nourriture, des réseaux de travail. Et ça, c'est hyper important. Donc c'est vrai que Alem était, je pense que maintenant c'est en train de changer, très concentré sur les zones rurales. La mobilité, elle est aussi très forte en zone périurbaine, en zone industrielle, post-industrielle, etc. Parce que c'est des espaces vacants et qui sont proches des villes. Et que les gens ont besoin d'être proches des villes. En tout cas, le droit à la ville est important. Et donc voilà, donc c'est vrai que la notion d'habiter, c'est une notion qui nous tient à cœur et qu'il faudrait arriver à faire rentrer dans le droit français, je ne sais pas comment, mais... Et c'est là que j'ai vu et que j'ai compris ce que c'était une femme violée. Oui, parce que je ne me rendais pas compte ce que c'était violé. Moi, je croyais que c'était une partie du genre parler un peu forcée. Hein? On dit non, puis on dit oui. Elles avaient des coups sur leur figure. Elles étaient tuméfiées. Elles avaient un regard de bête traquée. Elles sortiraient même quand nous autres nous approchions pour les sauver, je veux dire. Il y avait des tunnels, là. On les retrouvait là-dedans. Mais quoi, avant d'avoir vu ce que c'était une femme violée, vous pensiez que c'était... Une partie de jambe en l'air un peu forcée. Ça veut dire quoi, ça, une partie de jambe en l'air un peu forcée? C'est un viol, ça, de toute façon, non? On dit toujours non pour commencer, et puis après on dit, bah allez, ouais, d'accord. Hein? Comprenez, moi je croyais que c'était ça, mais c'est pas ça du tout. C'est boxer, frapper, etc. Oui. Et ça m'a laissé des traces. J'ai plus jamais ri de ça. Avant, je riais pas, mais je prenais ça à la légère. Mais qui pour nous n'est pas un finissage, parce que c'est vraiment, j'allais dire, une conclusion qui est aller vers le futur. Et on est très heureux de pouvoir commencer la journée avec la présence de Céline Frémaux, qui est la nouvelle ministre de l'Environnement. Donc c'est aussi un présage vers le futur. Et je voudrais remercier le bureau tactique et toutes les personnes qui, autour de Thierry et de Petra, ont monté toute l'opération jusqu'à présent. Je pense que c'est tout de même quelque chose de fort. Je voudrais vous demander de les applaudir parce que ça n'a pas été facile. J'espère que Petra va bien aussi. Elle va nous rejoindre. Mais donc, voyez que rouler en vélo en ville, c'est parfois un petit peu dangereux, mais... mais ça a un côté sympathique. Voilà. Et donc, voilà, je pense que ça donne de la réputation à ceux qui font du vélo en ville. Alors, aujourd'hui, on va avoir toute une série de personnes, et j'allais dire qui vont... Ça va, tu peux... qui vont nous faire un mixte, en fait, hein, c'est un peu des medleys, puisqu'il va y avoir des personnes très, je vais pas dire pointues, mais professionnelles dans des domaines, qui vont se mélanger avec des personnes qui, sur le terrain, ont fait de la pratique. Et donc, je crois que cet échange est vraiment un échange important et intéressant. Je vais très rapidement céder la parole à Céline Frémaux. Et on va essayer... j'allais dire, de faire le maximum de bruit pour qu'il y ait encore plus de gens qui nous rejoignent pendant la journée et terminer par un feu d'artifice musical. Et donc, je me permets d'inviter la ministre à nous rejoindre aussi ce soir, peut-être en famille, pour pouvoir participer aux parties, j'allais dire, plus festives. J'ai beaucoup d'enfants, je ne sais pas si c'est nécessairement pour tout le monde une aubaine de voir débarquer voilà. Mes enfants. Mais bon. Voilà. Madame la ministre, je vous cède la parole. Merci Serge, merci à vous tous d'être là ce matin. Vous voulez que je tienne quelque chose? Non, ça va alors. Excusez-moi de démarrer un peu plus tard que prévu, mais j'en ai profité pour faire un tour par là, et puis faire le tour par là, et arriver ici. Je pense que c'est intéressant, avant de prendre la parole, de regarder aussi l'ensemble des réalisations qui ont pu être faites, parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée effectivement de finissage. Alors, il y avait un article qui est paru il n'y a pas très très longtemps dans le journal Le Soir, qui disait « Le vert en ville, c'est plus qu'une simple couleur ». Et je pense que c'est une allégation qui est tout à fait exacte, encore plus dans le cadre ici qui nous intéresse. Il y a plein d'indicateurs en fait objectifs aujourd'hui pour étayer l'interaction qu'a l'homme et la femme, bien évidemment, au sein de la nature, dans la ville. Et je pense que c'est important de le rappeler de temps à autre. En matière de santé, et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'était mon ancienne casquette, j'avais la santé. Il y a une étude américaine qui avait démontré qu'il y avait un certain nombre de patients qui récupéraient beaucoup plus vite après des opérations lourdes quand leurs fenêtres étaient orientées vers des arbres et vers des pelouses. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même la qualité de vie au quotidien. C'est bon pour la société aussi. J'ai la casquette du logement. Et depuis que j'ai repris ce mandat il y a 2 mois, il n'y a pas un moment où je ne me suis pas intéressée, notamment dans le cadre de la construction des logements sociaux, à dire mais où est le potentiel de verdurisation autour de tous ces nouveaux immeubles qu'on construit aujourd'hui à Bruxelles, qu'on rénove aujourd'hui à Bruxelles. Et j'étais hier avec Karim Margeros qui est là à Molenbeek pour lancer le projet de la rénovation de la tour Brunfaux qui est à Molenbeek, le long du canal. Et je m'interrogeais beaucoup et on en parlait avec notamment la bourgmestre, à dire est-ce qu'il y a encore assez de verre autour en termes de qualité de vie. C'est pour vous dire en fait, comme toute petite introduction, que toutes les études, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, elles confortent fondamentalement une option de base, c'est le choix de l'aménagement de ce grand parc ici, de l'accueil d'installations de parc design comme un levier d'ancrage au sein d'un quartier qui en a besoin et de la région bruxelloise dans sa globalité. Et c'est une nouvelle vision du site. Il suffit de se retourner juste derrière vous de Touri Taxi qui s'étend d'une part, c'est vrai, du côté de Boxtel jusqu'au canal. Et c'est un ensemble d'aménagements qui doivent petit à petit prendre leur place, trouver la meilleure place avec la meilleure utilité aussi urbaine. Alors je pense que c'est vraiment un puzzle. Et on est au démarrage du puzzle ici, dans l'exercice que vous avez fait. Vous savez que Bruxelles Environnement, à la suite de l'aménagement d'un parc de la ligne 28 par Belliris, a réalisé des travaux d'aménagement d'un parc en évolution, avec un schéma directeur, bien évidemment. C'est un nouveau maillage, c'est un nouveau maillon de ce maillage global, vert, régional, et qui doit, et c'est vraiment impératif, et si on n'a pas cette vision-là, excusez-moi du mot, mais on va vraiment se planter, s'insinuer dans les quartiers les plus minéralisés, les plus urbanisés aujourd'hui, et qui va fournir des services écosystémiques nécessaires au bien-être et à la qualité de vie des uns et des autres. Et j'insiste vraiment sur les uns et les autres. Il y a beaucoup de cheminements qui étaient réalisés, il y a des bancs, des lumières installées, c'est un aménagement qui a plein de charme, qui est très « nature » entre guillemets. Et ici, c'est 8 installations de Park Design 2014 qui ont pu permettre de travailler effectivement, boum, sur l'agriculture urbaine. Alors Park Farm, c'était le nom de la biennale, effectivement, 2014, c'est un nouveau modèle, je pense, qui a été pensé, imaginé, qui est travaillé, qui prend la réflexion aussi. Votre présence en témoigne aujourd'hui. Un nouveau modèle d'espace public avec effectivement des caractéristiques de parc en tant que tel, un espace de production agricole. J'en discutais avec l'un ou l'autre, c'est vraiment une conviction forte que j'avais. Quand j'étais ministre de l'économie, j'avais été chercher la petite compétence agricole qui n'intéressait pas tellement pour essayer de commencer à lancer les premiers colloques sur l'agriculture urbaine et j'ai une vraie conviction sur le sujet. Alors la proposition, elle avait un objectif, c'était vraiment de stimuler l'activation, l'invention d'un parc urbain local, régional, avec des espaces de production, avec ce leitmotiv du paysage à l'assiette. Il y a eu des équipes multidisciplinaires, vous êtes là présents aujourd'hui, pour redéfinir ce que peut être aujourd'hui une ferme urbaine. Et c'est vrai que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut imaginer d'emblée. Je suis sûre que si vous interrogez ma génération et peut-être d'autres générations, une ferme urbaine, pour eux, c'est déjà deux mots contradictoires. Et Dieu sait qu'il y a de la place pour ce type de pensée aujourd'hui à Bruxelles. Alors, on a créé ce festival comme une invitation, et vous avez contribué à un large public. Aux habitants du quartier, c'est fondamental, parce que c'est leur quotidien aujourd'hui. Aux habitants de la région, pour découvrir une nouvelle partie de leur ville, une partie qui est en plein changement, qui est en plein devenir, une partie qui doit être concertée aussi par rapport à ces changements et ces devenirs. Et le finissage, et j'adore cette expression, de la Biennale de Park Design, pour laquelle on est réunis ici ce matin, elle a pour but de faire le point sur cette édition. Et c'est fondamental quand on a mené un projet, qu'on l'a fait avec beaucoup d'enthousiasme, je pense que ça a été le cas de tout le monde ici, parce que vous aviez pour but de faire réussir cette expérience, de se dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on aurait encore voulu faire. Alors, la seule chose que je peux vous dire, parce que c'est vrai que je débarque comme nouvelle ministre dans cette compétence-ci, en particulier dans des dossiers qui ont pu être initiés avant moi, c'est de vous confirmer certainement que l'édition 2014, elle a été un plein succès. J'ai vu les photos qui tournaient ici. Un très bon cru, tellement bon qu'ensemble, on a décidé de pérenniser plusieurs installations pour une première période d'un an. Et la toute nouvelle ASBL Park Farm va prendre en main, avec l'aide des habitants, avec l'aide des enthousiastes, chacun apporte un peu ce qu'il est, ce qu'il veut dans ce projet, la coordination du fonctionnement de la farmhouse et des installations annexes. Alors, cette biennale, elle a expérimenté de nouvelles manières d'aménager l'espace public, les espaces verts. On n'est plus aujourd'hui dans les parcs à l'anglaise ou à la française. On doit réfléchir autrement. J'ai une vraie conviction là-dessus. J'ai discuté déjà avec Serge Kempeners de ma volonté de mettre en place une biennale d'architecture paysagère à Bruxelles où on pourrait avoir des échanges avec des expériences étrangères, où on travaillerait aussi de vecteur emploi, le vecteur agriculture urbaine, l'insertion, l'information à travers ça. En 2012, Garden était consacré au thème complexe et multiple des espaces libres urbains avec des créateurs internationaux et belges présélectionnés. Ils ont investi des friches de quartier du canal. Ici, il y a une autre approche en 2014. 2014 qui a été mise en avant, du design comme processus qui rassemble les uns et les autres, co-création, entretien. Et c'était une dimension très importante aussi, c'était la farm truck qui est là. C'est un lieu de communication, c'est un lieu d'échange, c'est fondamental aujourd'hui par rapport à la vision urbaine, en tout cas qui est la mienne. Je pense que c'était une biennale qui était enthousiaste et enthousiasmante. Et votre présence aujourd'hui, en tout cas, le confirme. C'est important de confronter, je terminerai par là, les expériences de ce type en Europe, pour mieux comprendre comment on peut travailler sur des effets de levier. Et je pense que si on conçoit ce type d'expérience comme des leviers, aujourd'hui, on a vraiment compris ce qui pouvait contribuer au mieux vivre ensemble à Bruxelles, au mieux vivre ensemble dans une ville qui reste une ville, avec des aménagements qui sont plus adéquats, qui créent du lien social, qui travaillent à la construction d'une ville durable, mais dans toutes ses dimensions, et c'est fondamental pour moi. Alors, je vous souhaite vraiment des échanges très constructifs, créer, réenchanter une ville verte, dense et qui soit heureuse. Je vous remercie en tout cas pour votre présence, je vous remercie pour votre invitation de m'avoir si gentiment demandé de venir introduire ce finissage. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait et je suivrai le reste de vos projets avec autant d'intérêt puisque j'ai une nature aussi pour ma part relativement enthousiaste que vous pouvez le remarquer. Je vous souhaite une belle journée. La boule sans mou. Ton sein dans ma main, c'est pas pour m'amuser avec toi. Où t'étais dans mon main, là pas pour jouer. Ton sein dans ma main, c'est pas pour jouer. T'étais dans mon main, la pas de lait pour nourrir un souvenance. Ou t'étais dans mon main, la pas un rêve zazakel dans mon coco-tête. Ou t'étais dans mon main, mi dessote la mer, mi dessote la vie. Ou t'étais dans mon main, la mort en guinguin peut monter au ciel. Ou t'étais dans mon main, mi marche dans le chemin étoile de lait. Ton sein dans ma main, je deviens une planète qui chatouille les orteils du bon Dieu. Où t'étais dans mon main, mi ton ma planète, dig dig doigt qui est bon Dieu. Échelle inconnue. Une guerre silencieusement a lieu. Guerre urbaine. Guerre des représentations de l'espace avant tout. Guerre qui atteint son paroxysme dans le mariage du bulldozer et de l'uniforme. C'est une guerre sourde qui voit la victoire d'Haussmann, des octrois de Ledoux, de l'urbanisme périphérique, de la vidéosurveillance, du banc anti-SDF ou de l'urbanisme d'empêchement préventif à destination des populations roms ou mobiles. Une ville contre l'étranger, le pauvre, contre la connaissance aussi. Depuis 98, nous, échelle inconnue, groupe réunissant des individus issus des mondes de l'architecture, de l'art, de la géographie, du journalisme, de la sociologie et de la création informatique, tentons d'y prendre part en faisant émerger la carte de ce qui manque à notre compréhension du réel. Traçant les pourtours d'une ville complexe et polyphonique, plutôt qu'unidimensionnelle et consensuelle, et ce, à partir de ces marges ou espace de crise. Notre travail se voudrait un grincement. Nous avançons dents serrées, croyant qu'il existe une autre ville que celle des architectes, des urbanistes, des politiques. Une ville ou des villes invisibles, probables, en attente, là. Voilà, on a pu entendre Julie, d'Échelle inconnue, Gaston, vieux monsieur qui raconte un passage de sa vie, la nouvelle ministre de l'Environnement qui fait un speech au parc design. Oui, c'est la nouvelle ferme. Tapez sur le net parc design, vous verrez un peu de quoi il s'agit. Et en dernier lieu, un extrait de Zone. C'était Laurence Vielle, Barbara Robert et Vincent Gringuer. C'est peut-être pas Gringuer. Granger. Je ne sais pas comment ça se dit.